Les membres de la délégation des Coréens au Japon qui ont visité la patrie socialiste à l'occasion du 5e anniversaire du décès du général Kim Jong-il ont adressé le 22 une lettre au dirigeant suprême Kim Jong-un. La lettre indique notamment « À travers diverses cérémonies, notamment le rassemblement commémoratif au niveau central tenu en présence du maréchal, nous avons ressenti vivement de nouveau que nous avons vécu sous la direction du grand leader et père affectueux. Ces 5 dernières années, nous avons éprouvé en profondeur que notre nation jouit de génération en génération de la grande chance d'avoir le leader, le soleil et le général des plus éminents, avec le bonheur et la joie immense d'être guidé par le maréchal Kim Jong-un, dirigeant suprême de la cause du Tsé, identique au général en pensée, en leadership et en vertu. Finalement, les membres de la délégation ont souhaité santé et sécurité au maréchal, destin et avenir de notre patrie et de notre nation, et père affectueux des permanents de l'Association générale des Coréens restant au Japon et d'autres compatriotes au Japon. »